Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 24. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode assez simple. Je savais pas quoi dire. Ma vie, c'est de la routine. Il s'est rien passé vraiment de spécial, là. C'est ça, tu sais, je manquais de sujet. J'ai pas vraiment acheté de jeu. Je fais juste jouer à Hollow Knight tout le temps. Et puis, faudrait que je branche d'autres consoles chez nous pour essayer d'autres affaires, mais là, ça me tente pas. Et puis, c'est trop le bordel de toute façon. Mais les travaux avancent d'ailleurs, ça s'en vient. D'après moi, je devrais être bon pour avoir un sous-sol fini comme juste avant Noël. Là. J'ai ben hâte à ça. Là. Mais par contre, mon coin gaming sera pas terminé. Il sera pas commencé en fait. J'ai même pas de meuble pour mettre mes affaires. Donc, ça va être encore dans des boîtes, mais au moins, des boîtes vont être déposées dans un lieu propre et terminé. Fait qu'à partir de là, je vais voir comment est-ce que je vais construire, ou plutôt faire construire la patente. Je me prévois un budget pour quelqu'un qui pourra comme me faire des armoires custom, et puis j'aimerais ça que ce soit rétro-éclairé, tu sais. Moi, je crois que c'est important. C'est pas... Il y a rien de tout ça qui est important. Mais, pour moi, c'est important... au niveau de la collection, le visuel, la présentation est aussi importante que la collection elle-même. Là, j'aime ça investir aussi dans comment est-ce que je vois bien mes choses et puis que ça me rend heureux quand je suis devant ça. Là, je veux pas comme rabouter des affaires et puis je veux que ça soit propre. Alors, j'ai un budget prévu à cet effet, mais il faut que je trouve la personne, il faut que je trouve le temps, il faut que ça va se faire sûrement au retour des fêtes, bref. Mais ça s'en vient. Donc là, on est chez Retro Montréal, bien sûr, et puis souvent Fred, maintenant, mon collègue Fred Gémus, qui est aussi à Retro Nouveau, pour ceux qui écoutent les autres projets, vous savez qu'il est maintenant chez Tribute Games, il a quitté Ubisoft, et puis il s'est lancé dans la vie palpitante des développeurs indépendants. Donc très cool, et puis j'ai hâte de voir leur prochain jeu, Panzer Paladin, qui est un genre de beau mix de... de Blaster Master, il y a un peu de Bionic Commando là-dedans, puis Mega Man-esque, si je peux dire. En tout cas, ça a l'air d'être un beau party. Et puis, c'est ça. Donc, il commence à travailler tard chez Tribute le matin. Fait que Fred, il a le temps de passer à la shop ici avant d'aller travailler. Fait que ça se peut qu'il passe tantôt parce qu'il a acheté un nouveau iPad pour la caisse là-bas parce que celui-là, il s'en vient vieux puis il fait du trouble. Alors, ça se peut que je sois dérangé. Mais je vais faire comme si de rien n'était. Ou il parlera s'il veut, on verra. Je l'ai enregistré chez nous, mais là, ma blonde m'offrait un lift. Fait que j'ai pas pu résister. Donc, comme je disais, j'ai pas de sujets spéciaux aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai demandé de me poser des questions sur ma page Facebook. J'aime vraiment ça, faire ça. Pour vrai, j'aime ça répondre à vos questions. Donc, ça va être un show consacré à ça aujourd'hui. Et je pars ça maintenant parce que des fois, ça peut s'étirer les réponses parce que vous avez tellement des bonnes questions. Donc, c'est vrai. Et puis... une gorgée de café, puis je vais commencer ça à l'instant. Tasse Saint-Hubert aujourd'hui que j'ai acheté dans un marché au plus quelconque. J'aime ça, moi, les affaires de même. Ah! OK! Alors, Dom Renault me demande... C'est drôle parce que je m'appelle Dominique, je fais des Renault présentement, puis là, il s'appelle Dom Renault, tu sais. Dom Renault me demande... Salut! Peux-tu nous parler de tes expériences dans les clubs vidéo? J'ai pas vraiment des expériences dedans les clubs vidéo. Par contre, j'ai des, comme tout le monde, fréquenté les clubs vidéo quand j'étais jeune, tout le monde de mon âge, c'est-à-dire ceux qui vont bientôt avoir 40 ans. Et puis, comme tout le monde, beaucoup de joie. Moi, je viens de Saint-Joseph-de-Beauce, donc on n'avait pas de Blockbuster ou de Vidéotron, je sais pas quoi. Excusez, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a. Club vidéo international. Tu sais, il n'y avait rien de tout ça à Saint-Joseph-de-Beauce. C'était des indépendants. Donc, la rue principale s'appelait l'avenue du Palais. Donc, il y avait le club vidéo du Palais. Alors, c'était simple de même. C'était géré, ça, mes amis, par Madame Oiseau. J'aime Madame Oiseau. Je ne me rappelle plus pourquoi est-ce qu'elle était surnommée Madame Oiseau. Mais certains disent parce qu'elle avait le bec en pincette, un peu comme Madame Coucou. Mais j'ai jamais vraiment remarqué, tu sais. Elle était comme assez dodue, puis un peu rough, là, Madame Oiseau. Donc, tu sais, elle me faisait pas mal l'effet tout contraire d'un oiseau, pour être franc. Puis elle chicanait des fois aussi quand on niaisait. Donc non, c'était Madame Oiseau qui gérait ça, mais j'ai jamais vu l'oiseau dans la madame. Et puis c'était tout petit. Ben, c'était pas immense, mais tu sais, c'était pas grand. Donc il y avait juste un petit pan de mur pour le Nintendo à cette époque-là. Puis ça s'est jamais rendu à l'époque du Super Nintendo, ou vraiment pas longtemps, ça l'a fermé après. Mais là, je dis ça a fermé, tu sais, c'était une legacy, là. Ça existait. C'était ça à Saint-Joseph. Depuis toujours, c'était Madame Oiseau. Et puis, c'est ça, elle avait un beau pan de mur, là. Et puis, je pense que dans les jeux NES les plus récents que je me souviens que j'ai pu louer à cet emplacement-là, c'était genre Mega Man 4, Baldur Dash. Elle avait des choix douteux, là, des fois, de jeux quand même, tu sais. Elle n'est pas mieux placée. T'sais, elle ne sait pas, il n'y avait pas d'Internet, elle n'était pas abonnée au Nintendo Power, elle ne savait pas là, c'était quoi les bons jeux qui sortaient. Fait qu'elle faisait comme nous autres, elle achetait ce qui avait de l'air pas pire. Là, donc, des bons coups, des mauvais coups là-dedans, c'est bien certain. Mais ouais, c'était un beau petit pan de mur, ça, que j'aimais beaucoup. Puis, il y avait des jeux Atari aussi. Moi, j'ai loué dans ma vie des jeux Atari. Elle avait un petit comptoir vitré. Dans ce comptoir vitré-là, il y avait des jeux Atari. Ça, c'était bizarre. Des fois, c'est ça. J'ai demandé à mes parents, puis jouer là, Atari. Il y avait comme juste les jeux que je louais. Non, excusez. Les jeux que je louais, il y avait Pitfall 2, et puis il y avait la cassette à deux bouts, le Double Ender de Xenox, Sir Lancelot, et puis Robin Hood, et puis Frogger, je louais ça aussi des fois. Kangaroo, et puis voilà. Hey, je sais pas combien d'entre vous ont loué des jeux Atari, pour vrai. Je suis quand même content d'avoir vécu le restant de cette époque-là. Mais c'est tout ce qu'elle avait. Puis après ça, c'est installé à Saint-Joseph-de-Beauce, dans notre rutilant centre d'achat, là où il y a un Corvette. C'est installé le club vidéo Dawson. D-A-W-S-O-N. Ça, Dawson, je pense que c'était quelqu'un de Sainte-Marie-de-Beauce, deux villages plus loin. C'est vraiment plus gros, Sainte-Marie, là. Dans l'ordre des grosseurs de villages de la Beauce qui sont sur le long de la rivière Chaudière, comme Saint-Georges, Sainte-Marie, Saint-Joseph. Et puis après ça, tu as Vallée-Jonction, Scott-Jonction, ça fait là, Saint-Ange, Framten, mais ça c'est plus haut. Bref, c'est ça, ça venait de Sainte-Marie, s'installe à Saint-Joseph, gros club vidéo. Puis vu qu'il y avait déjà un très gros club vidéo à Sainte-Marie, ils ont comme juste ouvert une autre succursale. Puis là, ils ont comme amené beaucoup de choses qu'il y avait déjà à Sainte-Marie. Fait que là, on s'est retrouvé avec un pan de mur géant de NES. Géant, je vous jure, c'était fourette. On a chié dans nos jeans, tout le monde. Ben, dans ce temps-là, on portait des culottes de jogging. On a chié dans nos culottes de jogging. Puis, j'avais jamais vu autant de jeux NES. Mais on a eu pour 2 ans à tout louer les jeux, là, puis à tout essayer. C'était vraiment malade. Puis là, ce qui s'est passé aussi, dans ce centre d'achat-là, il y avait un gars qui avait Boss Music. C'était son magasin de disques. Ben, cassettes et disques, dans ce temps-là. Cassettes et disques, qu'est-ce que t'en penses? Et puis, c'est ça, ça s'appelait Boss Music, puis il y avait ça dans le centre d'achat. Fait qu'il a déménagé de local pour s'accrocher aux vidéos Dawson. Puis il y a aussi eu un Radio Shack qui a comme ouvert un peu. Fait que c'est tous ces... Puis il y a un gars, le gars des comic books à Saint-Joseph-de-Beauce, qui était un gars qui trippait ses comic books, puis il en importait, puis il en vendait dans son sous-sol. Il travaillait au club vidéo, puis s'est mis un petit kiosque, là. Fait que là, on avait le gaming, on avait tous les comic books, on avait la musique. Il y avait même des arcades, une arcade en rotation. Puis j'ai vu qu'il y avait des questions d'arcade tantôt, donc je pourrais y répondre par rapport à ça. Il y avait une arcade en rotation aussi, il avait fait un concours de Super Mario 3. Bref, soudainement, tout était là. Fait que tu sais, moi je capotais, j'étais là tout le temps. Fait que pauvre Madame Oiseau, là, ça a été le début de la fin pour Madame Oiseau. Mais c'est des très beaux souvenirs, puis il y avait une machine à popcorn, ça sentait le popcorn. Il y avait une machine comme de l'eau, avec des petites plateformes, puis tu tournes les plateformes, puis là, tu mets un 25 cents, le 25 cents tombe dans l'eau, puis là, il descend vers le fond. Il faut que tu tournes les plateformes pour que le 25 cents atterrisse sur une plateforme. Puis là, il y a la grosse plateforme, ça te donnait je sais pas quoi, puis ça atterrissait sa petite plateforme, t'avais une location gratuite, tu sais, ça, c'était malade. C'est quelque chose que j'aimerais avoir ici chez Retro Montréal aussi, ce genre de gogosse-là. Tu sais, une machine à gomme, que quand tu pognes la gomme blanche, t'as comme un rabais quelconque, tu sais, ou t'avais une location gratuite dans le temps. C'est cool, ces affaires-là. C'est des beaux souvenirs nostalgiques que je pense c'est bon d'avoir dans un magasin de jeux vidéo. Prochaine question, Marc-Olivier Berthelet. top 10 de tes meilleurs jeux NES en dehors de tous les classiques comme Little Samson, Mario 3, ainsi de suite. Moi, j'adore la série Battletoads et genre Nightmare on Elm Street que j'ai payé 30$ v'là 4 ans puis j'ai hésité à l'acheter parce que je trouvais ça cher. Haha! Bien content de savoir que c'était un bon move. En effet, j'aime beaucoup la NES et puis, vous me connaissez, hein? Et puis, là, j'ai de la misère à faire un top 10, mon cher Marc-Olivier. Mais je vais name-dropper des jeux. Ceux qui me connaissent vont en reconnaître plusieurs là-dedans. Puis, je suis allé de mémoire, j'ai regardé les boîtes de jeux que j'avais chez nous, j'ai regardé mon application, je suis descendu jusqu'à D, genre, puis là, c'était trop long, fallait que je commence le show. Mais j'ai une bonne liste ici, qui va pas inclure les Mega Man, les Ninja Gaiden, les Castlevania, tout ça, parce que c'est tout merveilleux, bien sûr, ces affaires-là. Fait que je vais essayer des affaires quand même très connues. Moi, personnellement, je trouve tout ça très connu. Mais il y en a peut-être là-dedans que vous ne connaissez pas. Puis il y en a pour tous les prix. Alors, je vais y aller vite. Là, il y a des catégories de jeux qui sont très semblables, des jeux qui se ressemblent dans un certain sens, comme Power Blade, Vice Project Doom, et puis Shatterhand, que je pourrais dire. Scat aussi. Ben, je vais aller un par un. Je peux pas expliquer chaque jeu ce que c'est, là. Mais ouais, mettons, Power Blade, Vice Project Doom, Shatterhand, Scat, c'est des jeux qui se ressemblent d'une certaine façon, qui se passent dans un monde industriel futuriste, cool. Dans Power Blade, tu tires un boomerang. Dans Vice Project Doom, c'est le fun. C'est comme un peu de l'espionnage. Je suis pas trop agent secret, détective, mais badass, là, tu sais. Comme Snatcher, mais action, je sais pas quoi. Ouais, cyberpunk, peut-être. Et puis, où est-ce que t'as des niveaux à la Spy Hunter? T'as des niveaux de plateforme? C'est surtout un jeu de plateforme, et puis t'as du tir. Donc c'est intéressant. Shatterhand, un peu la même affaire, sauf que tu punches là, les robots et les ennemis avec tes poings. Tout ça ont des soundtracks de feu. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Et puis, qu'est-ce que je disais? Non, Scat. C'est drôle comment il y a... Salut Fred, je suis live. Live en train d'enregistrer. Fait comme chez vous, comme on dit. Et puis, Scat. C'est quoi, non? Cybernétique. C'est quoi donc Fred Scat, le... Hey boy, Cybernetic... C'est écrit sur la boîte, là, si tu peux le voir, là. Special Cybernetic Attack Team. C'est ça. Special Cybernetic Attack Team. Donc là, tout le monde est comme, ah, Scat, Scato, du caca. Et on trouve tout ça très, très drôle. Mais c'est juste en Amérique du Nord que ça s'appelle de même. Ça a un autre nom ailleurs. Et puis, c'est featuring... c'est quoi donc? Ils ont pris des noms de films américains comme Sigourney pour la fille, puis le gars, je me rappelle plus quoi, bref. Et puis, tu flottes dans les airs, tu tires partout, c'est très très bon, encore une fois, industriel, futuriste. Tout ça, c'est du Natsume, c'est excellent. Dragon Fighter, encore de la même gang, ça coûte très cher comme jeu, par exemple. Oh, je vais en mettre un autre, là, que j'ai oublié. Et puis, Dragon Fighter, essayez ça. C'est t'es un dude avec une épée qui fait des niveaux de plateforme. Et puis, tu peux te transformer en dragon pour arriver à tes fins. Excellent soundtrack, des beaux boss. C'est vraiment excellent. Lone Ranger, ça peut être surprenant. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont joué à ça. Et puis, de Konami, late release de Konami. Moi, j'écoute, j'ai adoré. C'est plateforme, farming un peu... j'irais pas jusqu'à dire RPG, mais faut que tu ramasses du cash. Et puis, faut que tu achètes des affaires. Tu fais comme village par village. T'as plein de sortes de niveaux. T'as de style shmup. T'as des niveaux que tu peux utiliser, le zapper. C'est très, très, très complet comme jeu, sérieux. C'est vraiment bon. Ceux qui me connaissent, c'est sûr que j'ai pas le choix de passer, de name-dropper MechKids. Mais c'est ça, le problème avec MechKids, c'est que moi, j'y suis rattaché de façon tellement comme nostalgique. Si vous découvrez MechKids aujourd'hui, vous allez... Tu sais, moi, quand la musique part, j'ai des frissons. Hein, t'sais, vous allez pas avoir ça. Mais c'est un très bon jeu, très bon soundtrack. Platformer classique avec beaucoup d'exploration, beaucoup de choses cachées dedans. C'est McDo hein, en passant. Et puis, c'est vraiment un bon jeu. Là. Si ce jeu-là avait un système de password ou un système de sauvegarde, dans le fond, là, ça serait, je vous dis, il vaudrait vraiment cher aujourd'hui. C'est ça qui le brise parce que faut que tu le fasses d'une traite, c'est vraiment long, là. Journey to Silius, bien sûr, qui est de plus en plus connu, ce jeu-là, et puis apprécié des gens, qui était supposé être le jeu film Terminator, et puis ils ont, comme dernière minute, les pauvres Sunsoft n'ont pas réussi à avoir la licence, ce qui était peut-être une bonne chose, finalement, parce que c'est excellent. Et puis, genre de run and gun, si je peux dire, mais c'est pas run rapide comme contrat, mettons, là, t'sais. Gunnack, probablement le meilleur shmup qu'il y a sur NES, et puis il y a plusieurs shmups sur NES, ils sont pas tous malades, loin de là, il y en a peut-être 3-4 qui sont vraiment hot. Et puis Gunnack en est un, c'est très rapide, très frénétique, de compile, hein, me semble, donc c'est très bon. Kickmaster, qui est un genre de Castlevania, si je peux dire, mais c'est de Taito, où est-ce que tu kicks les gens, et puis t'as de la magie. Plateforme, très Castlevania, la musique assez intense aussi, très bon. Womp M, qui était comme un petit Amérindien, mais c'est un jeu un peu à la Mega Man, où est-ce que tu choisis ton niveau, tu bats des boss, tu acquiers leur pouvoir, puis tu utilises ces pouvoirs-là, qui sont effectifs contre précisément d'autres boss, tu comprends? Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est drôle, il y a des affaires de Jaleco là-dedans. Faut essayer des choses. Gargoyle's Quest 2, bien sûr, qui est comme très, très, très complet pour un jeu NES. Une grande aventure. C'est comme c'est comme au Game Boy, sauf comme bien plus gros encore. Là. C'est vraiment excellent. Swordmaster, ça, c'est... Ça, faut y donner du temps. Ben, ça coûte cher, hein? C'est genre 400$, là. Non, ben, si vous voulez émuler ces affaires-là, allez-y, là, faites ce que vous voulez. Si vous avez la chance de jouer, je vous recommande de l'essayer et de lui donner un peu de temps. Ce que ce jeu-là fait de façon étrange, c'est que tu level up pendant ta game, mais quand tu meurs, t'es game over, puis tu recommences une game, tu gardes ton expérience. Ainsi, tu recommences le jeu plusieurs fois, puis après une couple de fois, ben là, t'es rendu super fort. Fait que c'est comme une formalité de passer à des places que t'avais bien de la misère. Moi, si ça avait pas été de ça, j'aurais pas aimé ce jeu-là, parce que c'est vraiment intense, mais il y a vraiment de quoi. Puis il y a une ambiance, ce jeu-là, c'est très cool. Jeu de Activision. On continue dans le Activision avec Galaxy 5000. C'est le RC Pro-Am sur Assault, le vaisseau spatial. C'est vraiment un jeu que j'adore, qui avait au club vidéo de Madame Oiseau. Et puis que j'ai racheté même au club vidéo de Madame Oiseau quand il a fermé. Et puis la boîte qu'il y a chez nous, c'est celle-là même que je louais quand j'étais petit. C'est un très bon jeu, sérieux. Tu level up de vaisseaux, tu les répares, tu achètes des armes, tu blastes tout le monde. C'est vraiment overlook game, là. Vraiment, vraiment. Little Nemo de Dream Master, excellent et très joli et peu cher platformer. Essayez ça. Toutes les Batman au NES sont bons. Très peu de gens semblent avoir joué à Batman Returns au NES. C'est vraiment... c'est super bien. C'est super bien fait, ce jeu-là. C'est rapide et tout. C'est dur, par exemple. C'est comme sorti à l'époque un peu de Turtles 3. Mais c'est un jeu que j'aime bien. Puis il faudrait que je m'y remette. Faut que je joue à ça un peu plus. Là. C'est vraiment trop bon pour pas essayer de le finir. Bionic Commando, c'est vieux, mais c'est vraiment excellent. C'est une belle, grande aventure. Chip and Dale Rescue Rangers, un de mes jeux préférés au NES. Bien sûr, ben trop facile, mais c'est correct aussi. Des fois, tu veux juste comme un pogo, tu sais, puis finir, puis passer à autre chose. Fait que quand tu veux un pogo, tu joues à Chip and Dale. C'est pas long, c'est bon, c'est le fun. Ça va vite. Fire and Ice, qui est un jeu de... un genre de puzzle game, en fait, qui se veut être la suite de Solomon Keys. C'est vraiment excellent, ça coûte cher, par exemple, quand les gens qui font des full sets, c'est le genre de jeu qui acquiert plus vers la fin. Mais ça vaut la peine, checker ça. Puis il y a plein d'autres jeux auxquels j'ai pas beaucoup joué, mais qui méritent bien des mentions, et puis que les gens apprécient beaucoup, comme, mettons, Crystalis ou The Guardian Legion, mais j'ai pas assez joué à ces jeux-là pour vraiment donner une appréciation efficace. Fait que, enveloppe plein, voilà. Louis-David Lalancette Renault, te considères-tu comme un collectionneur de jeux vidéo ou un rétro-gamer? Ben, je pense, tu sais, rétro-gamer, je trouve que c'est trop englobant comme catégorie, là. Je joue pas juste rétro, mais oui, c'est des affaires que j'aime, puis je joue pas tant que ça. Je joue pas, en fait, du tout aux jeux comme AAA récents qui sortent et tout ça. faute de temps, là, vraiment, pas parce que je hate ces affaires-là. C'est vraiment une faute à cause que j'ai pas le temps. J'aurais peut-être le temps, mais je sais pas, ça me fait peur. Fait que non. Mais oui, collectionneur avant tout, puis rétro gamer. Ah, ça va quand même bien ensemble, mais collectionner, c'est comme une activité, tu sais. C'est pas juste comme. C'est pas juste avoir des affaires, tu sais. C'est comme désirer des choses, les chasser, les améliorer, vendre, acheter, tu sais. Comme travailler une collection, c'est comme un vrai hobby, là, si je peux dire. C'est pas juste comme ramasser des patentes, là, tu sais. Moi, il y a comme un sens à tout ça. Donc, très, très, très collectionneur, mais gamer. Collectionneur gamer, ça serait la meilleure chose. Là, le nom, j'ai un peu de misère à le dire. OK, c'est comme une autre façon d'écrire son nom. Olivier Grondin. Olivier Grondin, est-ce que ta collection onéreuse a causé des frictions dans ta relation de couple? Comment fais-tu pour jongler avec les deux? Ça, c'est une drôle de question parce que pour moi, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là parce que moi et ma blonde, on a chacun nos affaires, tu sais. Je pense que je comprends pas comment les gens peuvent vivre en couple avec un compte conjoint pour tout. On a un compte conjoint pour payer l'hypothèque, les assurances, tout ça. À chaque mois, on a chacun un virement automatique d'un montant qui va dans le compte conjoint. Et là-dedans se paye l'hypothèque, les assurances, le char, toutes ces affaires-là. Et puis, pour le reste, et puis c'est pas romantique du tout, on utilise Google Sheet, qui est comme Excel. Et on m'a fait découvrir une application dernièrement qui s'appelle Splitwise, je crois, dans lesquelles on rentre chacun nos dépenses faites pour le ménage. Quand je parle de ménage, je parle d'activités de couple et tout. Ainsi, je vais à Aïssaute avec les enfants, ça me coûte 50$, je le rentre là-dedans. Ma blonde amène les enfants à telle place. C'est tout le temps autour des enfants, ben ça coûte cher. Elle achète du linge en ligne pour les kids, tu sais. On met ça là-dedans, l'épicerie, n'importe quoi, là, le taxi, tu sais, tout. Ainsi, à la fin du mois, ça balance le tout. Et puis, on se repaye. S'il y en a un qui a payé comme 200$ d'over de plus que l'autre pour la gestion de la famille, ben l'autre, il rembourse la moitié. Puis comme ça, on est toujours égal. Donc, c'est simple de même. Moi, je pense que tout le monde devrait fonctionner comme ça. Ça évite bien des problèmes. Et si le pire arrive comme une séparation, je sais pas quoi, ben il n'y aura pas de lézard à ce niveau-là. Et puis, pour ce qui est des dépenses personnelles, ben ça nous regarde chacun de notre bord, elle et moi. Si j'ai envie de m'acheter un jeu à 1000$, je le fais. Puis, du moment que la famille en souffre pas, d'attitude, tu sais. Puis, c'est compliqué quand même, l'argent et le couple. Ma conjointe et moi, on fait à peu près le même salaire par année. Donc, tu sais, on considère tout égal. Mais mettons quelqu'un dans un couple qui ferait, je sais pas, moi, 150 000, puis l'autre qui fait 40 000. C'est sûr que c'est différent, là, tu sais. C'est pas aussi facilement applicable, là. Mais tu peux ajuster avec des pourcentages, tout ça. Si vous avez lu ou pas lu le livre de Pierre-Yves McSween, il y a un chapitre complet là-dessus, et c'est bien intéressant. Mais moi, je fonctionnais déjà comme ça, anyway. Mais sérieux, si vous avez un compte conjoint puis vous mettez tout dedans, faut vous demander la permission pour chaque dépense que vous faites. Je sais pas comment vous faites pour vivre de même. Moi, je serais pas capable. Michael Gauthier, on te met sur une île déserte. Tu peux juste apporter 5 jeux de NES. Lesquels tu choisis? Ah, ben, je viens de parler pas mal de NES, pour être franc. Je pense que je vais skipper celle-là. Michael Larivière, as-tu des conseils pour la conquête d'un full set? J'ai commencé récemment le full set GameCube, et puis commencer par des jeux chers ou pas chers, acheter en lot ou pas, etc. Ben, achète des jeux chers maintenant, et puis après ça, achète des lots de scrap. C'est pas mal ça que je te conseille de faire, parce que si tu te remplis de scrap tout de suite, tu vas être comme « yeah », puis toi, tu vas avoir plein de marde chez vous. Et puis après ça, tu dis « ouais, j'en ai pour genre 4000$ pour acheter mes quelques jeux qui manquent, et puis là, c'est un peu déprimant, là, tu sais. » Fait que, un coup que tu te commets à acheter les gros jeux, après ça, c'est facile là, de prendre ton temps puis d'acheter la scrap quand tu la vois passer, là, tu sais. Par ailleurs, c'est plus safe aussi parce que si jamais tu changes d'idée en cours de route, vendre des beaux gros jeux juteux, revendre des beaux gros jeux juteux que tu ne veux plus parce que tu as décidé de ne plus faire ton set, c'est plus facile que d'essayer de passer la merde que tu as décidé d'acheter. Donc, moi, je te conseille fortement de commencer, c'est bon pour toutes, là, pour toutes les collections. Commence par ce qui est tough. Hein? C'est comme dans ton assiette, là. T'aimes pas les légumes, mais t'as des pogos. J'aime ça les pogos. T'as des pogos, t'as des légumes, t'aimes pas les légumes. Commence par les légumes, finis par les pogos. Éric Théroux, aimerais-tu mieux jouer toute ta vie au jeu parfait pour toi ou jouer plein de jeux différents, mais jamais vraiment satisfaisant? Ben drôle de question, ça. Je pense que définitivement, j'aimerais mieux jouer au jeu parfait toute ma vie parce qu'il y a plein de jeux auxquels je joue tout le temps. Je recommence tout le temps parce que je les aime beaucoup et qui sont parfaits à mes yeux. Puis il y a des jeux qui sont insatisfaisants, je n'y joue plus. Quel est ton jeu d'arcade préféré? Me demande François-Marc Tremblay. Il y a une autre question d'arcade un peu plus haut, donc je vais répondre un peu plus haut. Oups, c'est un peu ici. Stéphane Beaumier. Que penses-tu des collectionneurs qui flashent leur stock pour flasher? On connaît tous quelqu'un qui semble avoir de l'argent à l'infini qui, semaine après semaine, semble faire des acquisitions toutes plus incroyables les unes que les autres. Autrement dit, ces personnes semblent assouvir leurs besoins affectifs au travers des yeux des autres. Ah, c'est bien certain. Je connais du monde qui ont beaucoup d'argent, puis tu le sais. Puis c'était possible de le savoir, tu sais. Il y en a du monde qui ont de l'argent, puis que, OK, c'est beau, t'as de l'argent, tu sais. Bref, chacun s'exprime avec ça comme il y a de besoin. Il y a du monde pour qui avoir de l'argent est une réussite. Puis je peux très bien comprendre ça, parce qu'ils en ont peut-être pas beaucoup eu quand ils étaient jeunes ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est très bien, mais, tu sais, comme chacun fait ce qu'il veut. Mais comme acheter pour flasher, tu sais, comme juste, je sais pas comment le dire, faut acheter des grosses affaires, c'est pas si hot, tu sais. Faut pas que t'achètes juste parce que c'est gros, pis c'est big, puis c'est cool dans le monde des collectionneurs, tu sais. Faut que t'achètes pour ce que t'aimes vraiment, tu sais. Puis si, mettons, toute ta vie, t'as voulu avoir tel très gros jeu, puis que finalement tu l'achètes, t'es vraiment fier, ben écoute, flash tant que tu veux, là, ça te fait plaisir, le monde me tape dans le dos, bravo, c'est nice, cool, continue. Mais tu sais, comme juste acheter continuellement pour flasher en achetant n'importe quoi, ça, c'est un autre dossier, disons. Mais non, je veux dire, c'est quand même bien de... C'est quand même plaisant de s'exprimer quand on réussit à quelque chose ou on réussit à trouver quelque chose qu'on n'avait pas puis qu'on est bien fiers. Il y avait une autre question. Que penses-tu des collectionneurs qui ne gagnent pas pantoute? Est-ce que pour collectionner, on doit être systématiquement gamer? Non, je pense pas pour vrai, parce qu'on peut collectionner bien des affaires dans la vie, puis les jeux, on collectionne des affaires qu'on aime, là, tu sais, puis même moi, je game pas tant, je dirais que je collectionne plus que je game ces temps-ci. Ça dépend des phases, ça dépend du temps que j'ai, mais il y a bien souvent plus de temps que je passe à gérer mes patentes, puis à réorganiser, puis à revendre des bouts de ma collection, puis à acheter d'autres choses, puis à checker les prix, puis à chasser online des affaires que je veux que de gamer en tant que tel. Donc, non. Quelque chose qui me chicote, par exemple, c'est les gens qui sont dans le business de la vente de jeux vidéo, mais qui ni jouent ni ne collectionnent les jeux vidéo, tu sais. Parce qu'il y en a, là. Pas mal. Et puis, moi, c'est comme un peu le côté qui me dérange, là, tu sais. On est là-dedans par passion, d'abord, puis on essaye de vivre de cette passion-là, puis de créer un projet nice autour de ça, parce que c'est ce qui nous passionne. Mais j'arrive pas à comprendre ces gens-là, tu sais. Je me partirais pas une shop de barbecue si, comme, je me crisse un peu du barbecue, puis que j'ai jamais eu de barbecue, puis que je cuisine pas barbecue chez nous, mais que, tu sais, il y a de l'argent à faire avec les barbecues. Donc, ouais, ça, c'est comme un côté qui m'achale vraiment, là, par rapport aux vendeurs de jeux. Pascal Provost, t'as fait tatouer en rapport avec les jeux vidéo, ça serait quoi? Ça, c'est bien, c'est drôle parce que je m'étais toujours dit que après, lorsque Arcade Montréal sera remboursé, l'investissement qu'on a tous fait, lorsque j'aurai remboursé mon investissement à l'Arcade Montréal, j'allais comme, pour me récompenser ou pour me faire plaisir, j'allais me faire des tatous. En tout cas, j'aimerais savoir un genre de bras Castlevania, là, tu sais. Mais pas cheesy, là, comme de quoi de badass. Mais finalement, je l'ai jamais fait. ben, d'un, parce que ça coûte cher. Puis, j'aime, les tatous, j'aimerais vraiment en avoir. Cependant, je trouve que c'est comme un... C'est un projet. C'est vraiment un projet. Faut que tu trouves la bonne personne. C'est long. Ça coûte cher. T'as ça pour toujours après, bien sûr. Puis c'est drôle, on vit à une époque où est-ce que se faire tatouer dans la face est comme rendu une formalité. Mais moi, j'étais encore genre, ah, d'un coup, je me tanne, tu sais. Fait que tous ces facteurs-là mis ensemble ont fait que je suis jamais allé de l'avant avec ça. Puis de toute façon, cet argent, combien ça coûterait ça, un bras de même, je sais pas, moi, 4 000, tu sais. J'ai d'autres affaires à investir avant tout, avant de mettre ce montant-là sur des tatous. Donc, mais si j'avais à le faire, ça serait définitivement en rapport au gaming, genre le Castlevania. Mais il y aurait des affaires au travers aussi, genre peut-être un petit bonhomme à télévision, icône classique, là, tu sais. Alexandre Forget a une excellente question ici. Un hot dog, est-ce un sandwich? C'est-tu un sandwich? Moi, je dis que non. Tu sais, à la maison, là, des fois, on sait plus quoi faire à manger les repas et tout. Puis là, on essaye de pas manger deux fois la même affaire, t'sais, surtout avec les enfants. Puis des fois, il faut manger des sandwichs parce qu'on n'a pas le temps. T'sais. Là, mettons, on mange un sandwich au jambon pour dîner. Ah, les enfants, ils ont mangé des sandwichs à midi. Ben là, on peut pas manger des sandwichs à soir. Là, il est là le bug, là, tu sais. Mais mange pas souvent des hot dogs, là, mais... S'il fallait comme manger des hot dogs pour souper alors qu'on a mangé des sandwichs pour dîner, là, je pense que ma blonde considérerait le hot dog comme un sandwich. Mais moi, peu m'importe, je mange n'importe quoi à répétition, ça me dérange pas. Et puis des beaux hot dogs, j'en veux, mais moi je pense pas que c'est un sandwich. Et voilà, c'est dit. Stéphane Talbot, en Beauce on dit Talbot. Selon toi, quel jeu ou quelle série qui a la meilleure bande sonore? Oh là là là là là là, quelle série, man. Ben, ça va encore se passer au NES en ce qui me concerne. Mega Man, Ninja Gaiden, Castlevania, ces affaires-là. François Dicantine, excellente question ici. As-tu un plan de développement capillaire? Ça, c'est vrai, hein, parce que regardez mes cheveux, là. J'arrête pas de me mettre les... Tu sais, mes cheveux, c'est n'importe quoi, là, présentement. Parce que moi, avant, j'avais les cheveux comme, ben, vous avez vu, sur le côté, court, et puis rasé, et puis sur les sides, et puis en dessous un peu. Puis là, j'ai pris la décision, puis j'avais une barbe plus, là, j'en ai un peu. J'ai pris la décision de me laisser pousser les cheveux, et puis long, vraiment plus long, là, genre quasiment jusqu'au pose-épaule, là, mais jusqu'en bas du cou. Et puis, donc, je touche plus à mes cheveux du tout. Et puis, je me rase la barbe parce que là, je peux pas avoir une tête en boule de poêle non plus, là. Donc, puis ça faisait peur à ma blonde. Bref. Alors là, je suis tout à fait conscient là, que mes cheveux, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis, je sais pas quoi faire avec. Là, fait que là, ils me tombent d'en face un peu. Je mets des casquettes. L'hiver arrive, je vais mettre des tucs. Je vais être dans un genre d'entre-deux pendant un bon bout de temps. C'est ça. Et puis, le plan capillaire, c'est vraiment de les laisser pousser, comme quand j'étais au secondaire, et puis de faire de quoi avec ça, éventuellement. Ou rien, juste comme pff, des beaux cheveux, là, t'sais. Alors, moi, j'ai les cheveux raides, en plus, très, très raides. Vous savez, le méchant dans The Crow, celui qui couche avec sa sœur, là, j'aurais le genre des cheveux de même, des cheveux raides. Mais pas noir, par exemple, comme brun, comme présentement, avec un peu de blanc là, aussi. Bref, voilà ce qui se passe avec ma chevelure. Kevin Boily, qu'est-ce que tu comptes faire comme prochain projet? Arcade numéro 2 ou bien comptoir rétro MTL? Je pense qu'il y a une autre question plus tard qui va ressembler à ça. Mais bref, projet numéro... Ça serait pas un projet... Un prochain projet, j'aimerais tout relier, tu sais. Mais mon prochain projet, j'aimerais vraiment que ça tourne autour de la bière, là. Quelque chose avec la bière, vraiment. Ou pizzeria. je veux juste comme tout mettre ensemble les affaires que j'aime. Je sais pas si c'est un bon move, mais on va voir, là. Présentement, je suis en discussion avec des personnes différentes, tu sais, pour des projets différents. Là, j'ai comme besoin d'un petit break. Beaucoup de travaux, beaucoup d'affaires qui se sont passées cette année. Mais bientôt, je pense qu'il va se passer de quoi. Jean-Michel Racine me demande « Si Tommy Tallarico t'a dit « Ah, Dom, je suis plus capable, je te laisse le projet de la Mico. » Que ferais-tu de différent pour cette mythique machine? Sérieux, je pense pas qu'il y a rien d'autre... La Mico, j'en parle beaucoup, puis je déconne avec ça, tu sais. j'aimerais quand, je vais l'acheter quand même, puis j'aimerais vraiment, pour vrai, faire un genre de lunch à l'arcade, chez Arcade Montréal avec ça, juste pour le plaisir. Et puis, j'aimerais ça qu'il m'envoie du stock. J'ai vu que Tommy a envoyé des t-shirts d'Amico à des YouTubers, dont le gars de GameSack. J'aimerais vraiment avoir un t-shirt de l'Amico. Tu sais, personne n'y croit, puis avec raison. Puis, je pense pas que lancer une nouvelle console a vraiment sa place aujourd'hui, surtout quand tu regardes c'est vers quel genre de jeu qui s'enligne, tu sais. Puis Apple Arcade font exactement la même affaire, mais t'as pas besoin de console. Fait que pourquoi on achèterait une console? Tu sais, il y a rien à faire, là. je ferais rien, je serais comme... Ben, quelque chose que j'essaierais de faire mieux, par exemple, c'est le PR autour de ça. Quoique Tommy, il est quand même très actif, là, puis ça, c'est bien. Mais c'est tout le reste. Il est comme seul, tu sais, comme il mène le front, puis en arrière, c'est comme une bande de vieillards, là, tu sais. Toute la vieille clique d'une télévision. Puis ça, c'est cool qu'ils soient encore là, mais ils comprennent pas la game aujourd'hui, là. Des médias sociaux, puis tout. Puis quand il y a des affaires qui se passent, tu sais, ils sont comme arrête de chialer sur l'Amico. Tu sais, ils sont très old school, là, par rapport à l'Internet. Donc, je sais pas, j'essaierais de rendre l'Amico cool, là, tu sais. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que l'Amico soit parle aux familles, ça c'est cool puis tout ça, puis que ça soit pas orienté rétro, mais c'est comme une vieille garde de rétro vieux bat, tu sais, en arrière de ça qui sont là pour ce projet là, tu sais, c'est comme des vieux qui essaient d'être cool, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Faut pas que ça soit ça, tu sais, faut que tu mettes ça dans les mains de la jeunesse, tu sais. Donc c'est ça que j'essaierais de faire. Danny Lefebvre, ton meilleur clone de Megaman. J'ai name droppé Wumpem tantôt. Je pense que j'irai avec ça. Mais j'aime beaucoup aussi Azure Striker Gunvolt, si on parle de Megaman X, disons. Ça, c'est vraiment, je trouve, une très bonne série qui est beaucoup d'électricité là-dedans, beaucoup de rapidité et d'intensité. J'ai bien aimé ça. Nicolas Desrosiers, à quel jeu penses-tu être le meilleur speedrun, high score ou versus? Exemple, Castlevania, Dr. Mario, Ice Hockey. C'est drôle parce qu'il connaît tous les jeux auxquels je suis quand même pas pire. Ouais, je pense que Castlevania 1, je peux comme faire ça très relax sans me casser la tête. Je suis pas pire pas en tout à Ice Hockey, quoi qu'il y a une personne qui a réussi à me battre à l'arcade à un moment donné, puis j'étais comme « Oh my God, je comprends pas qu'est-ce qui se passe ici. » À Dr. Mario, je tire mon épingle du jeu, mais tu sais, il y a du monde qui sont vraiment là, qui ont un pouvoir de concentration vraiment très élevé, donc je suis pas le meilleur là-dedans. Mais Contra, au NES, pour vrai, c'est un jeu que j'ai tellement fait souvent, j'ai jamais réussi à le passer sans mourir. Mais comme en perdant une vie, ça se fait très bien. Donc, c'est ça, des jeux que j'ai joué vraiment beaucoup, là. Toutes les Castlevania de base. Castlevania Super, Castlevania 4, Contra, NES, Castlevania 1. Les jeux auxquels je jouais beaucoup quand j'étais petit. Merlin Caron. Si tu avais à désigner faire brasser une bière à thématique jeux vidéo style pixel, à quoi aurait-elle l'air la canette et ce serait quelle sorte? Ça, c'est une excellente question parce que, mon cher Merlin, je suis exactement là-dedans présentement. J'ai envie de me faire une batch de bière Papa Cassette en canette. C'est faisable, I guess. Je connais une couple de personnes dans le milieu et puis j'aimerais vraiment ça, sauf que c'est quand même un coût important, tu sais. Et puis c'est long avant de revoir ton argent, puis il faut vraiment que le monde l'achète. Donc, si j'investis 5 ou 10 000 $ là-dedans, faut que je vais avoir besoin de revoir cet argent-là, tu sais. Mais j'ai vraiment envie de le faire, là. Puis je pourrais en distribuer à l'arcade et puis à des points de vente que je connais. Et là, ça me travaille, là, vraiment. Puis je regarde ce que Pixel font, puis j'aimerais vraiment ça comme... Moi, je suis designer graphique. Directeur artistique, bref, j'ai travaillé dans des agences, j'ai travaillé en tant que travailleur autonome et tout. Puis une chose que j'aime faire, c'est du branding, tu sais. J'aime ça faire un logo, genre, puis répandre ce visuel-là sur les autres affaires, dépliants, sites web, whatever qu'il y a besoin, qu'on habille de quoi avec, tu sais. Et puis, faire des canettes de bière avec un branding que j'aurais inventé, ça, c'est vraiment un projet que j'aimerais faire, là, tu sais. Donc, définitivement, la bière Papa Cassette, tu sais, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer. Je vais peut-être le faire, là, peut-être comme « fuck it », tu sais, on dépense, puis on l'essaye. Et puis, mais... Effectivement, le style de bière est très important parce que si tu fais de quoi de trop anal, ben première, ou de quoi de trop compliqué, premièrement, ça coûte cher. Et puis, t'sais, si tu mets 8 sortes de houblons là-dedans, ça va coûter cher. Et puis, c'est ça. Je pense que pour que ça marche, il faut que ça parle à un public assez large. Donc, moi, mettons par exemple, j'aime beaucoup les saisons, les bières de style saison. Par contre, je pense pas que ça parle à un public très large. Même chose, un stout, tu sais, je suis pas sûr là, que ça irait chercher beaucoup, beaucoup de monde. Donc, le plus safe est une genre de bière blonde ou rousse, I guess, une pale ale ou une lager. Mais une lager, je trouve ça un peu plate. C'est comme côté blonde, une pils, une bonne pils, là, bien, bien croquante, ça, j'aimerais ça. Et puis, ou sinon, une IPA, tu sais, mais il y a tellement, j'aime bien sûr les IPA, puis tous les styles d'IPA, mais il y en a tellement des IPA, là, tu sais, c'est dur de ressortir, là, parce qu'il y en a trop, là, tu sais. Donc, ça serait une pils ou une IPA, mais là, je pense que ça serait une pilsner, je m'enligne là-dessus. Là, je vais passer une couple de questions parce que je me rends compte que j'aurai pas le temps de répondre à tout le monde. Je vais prendre les questions qui semblent être populaires ici. Jonathan Pagé me demande « Comment fais-tu pour gérer ta collection personnelle et la business? » Par exemple, quelqu'un arrive avec une perle rare que tu veux dans ta collection personnelle, mais tu veux le mettre en vente pour la business. Donc, il y a eu pas mal de personnes qui ont liké ce post-là, donc je vais y répondre. Au point où j'en suis, c'est rare qu'ils rentrent quelque chose en magasin ici que j'ai pas, puis que je veux vraiment, puis que ça vaut cher, là, tu sais. Mais mettons là un exemple là, qui pourrait arriver, Aero Fighter au NES, qui est un jeu qui vaut à peu près 700-800 piastres présentement, que je n'ai pas et que j'aimerais vraiment avoir. Ben, la façon que ça fonctionne ici, c'est que quand un des trois partners décide de garder un jeu, il paye le cost, simplement. C'est sûr que ça enlève des profits possibles au magasin, donc on peut en tenir compte. Mais tu sais, si c'est un jeu à, je sais pas, moins 20$, on paye le cost, puis c'est bien correct, puis personne ne borde avec ça. Par contre, si quelqu'un gardait tous les gros hits, tous les gros jeux d'un lot qu'on achète, ben là, tu sais, ça commence à poser problème. Mais ça arrive presque pas ici où... pas vraiment de souvenirs parce que Joe, sa collection est pas mal complétée, à part les Mega Man, il y a quelques petits Mega Man qui lui manquent. Lui, il est correct, il garde plus rien. Puis Fred, puis moi, on n'est pas sur les mêmes choses. Donc lui, il est beaucoup sur Sega. Et puis moi, tu sais, comme Wii, Super NES, ce genre d'affaires-là, Game Boy que je ramasse, lui, il est pas vraiment là-dedans. Donc on n'a pas besoin de se chicaner à ce niveau-là, à savoir qui garde quoi. Et puis, tu sais, il y a un full set, j'ai un full set. Okay. Tu sais, fait que il y a déjà Aero Fighters au Super NES. Fait que, bref, c'est ça. On a la chance de pas nécessairement être actif sur les mêmes consoles de collectionnage présentement. Donc, on s'obstine rarement. Mais dans le cas qu'un jeu à 1000$ rentre et puis que quelqu'un veut le garder, ben il paierait sûrement un peu plus que le cost. Là. C'est tout le temps à discuter entre nous autres, ça. Puis ce qu'il y a de plate aussi, c'est que ça enlève un peu la publicité d'avoir qu'on a un beau gros jeu à vendre ici. Mais tu sais, on a plein des jeux qui valent super cher ici. Puis mettons ce qui est arrivé dernièrement, on a acheté un lot de Game Boy Advance, jeu de Game Boy Advance complet en boîte, puis il y avait dedans Ninja 5-0, qui est un jeu que je quand même convoitais pas mal. Et puis le jeu était complet en boîte, les coins parfaits, il était mint. Je me suis vraiment retenu pour pas l'acheter, pour pas le garder. Puis, mais tu sais, j'aurais pas acheté. Le lot, on l'a payé plus que 50% de la valeur dans ce cas-là. Tu sais, même si on le paye 70%, tu sais, je pense que j'aurais peut-être payé 80-85, rien que pour rembourser un peu le profit perdu pour l'achat. Fait que, tu sais, il n'y a pas de loi écrite. C'est le gros bon sens, puis c'est l'entendement entre nous autres, là, dans le fond. Fait que c'est aussi simple que ça. Mais le fait qu'on collectionne tous plus vraiment les mêmes affaires précises, puis qu'on ait complété beaucoup de choses, puis que finalement, c'est pour vrai, on garde vraiment pas grand-chose de ce qui rentre ici en magasin, comme on est correct, tu sais, pas mal tout le monde. Les jeux de PS2 que je veux, tu sais, ils sont pas chers, j'attends juste de tomber dessus, donc ce genre d'affaires-là. Olivier Clos me demande ton top 3 de jeux d'arcade qui ont marqué ta jeunesse. Ça, c'est une bonne question, justement, dans l'arcade qu'il y avait au centre d'achat du Club Vidéo Dawson. Il y avait des arcades en rotation. Je peux name-dropper celles qui ont été présentes puis auxquelles j'ai joué. En fait, il y en avait une, mais qui faisait juste changer le rhum. Il changeait le JAMA dedans, je pense. Arkanoid. Avant le Club Vidéo Dawson, dans le centre d'achat, il y avait une petite arcade à côté des machines à gomme. C'était une Arkanoid au départ, fait que ça, mais j'étais très jeune, j'ai pas vraiment joué. Après ça, il y a eu un jeu, un genre de shmup de sous-marin qui me captivait, tu sais. Je trouvais ça magnifique, j'avais jamais vu ça. J'étais comme « wow, c'est vraiment beau », tu sais. Puis je savais pas ce que c'était quand j'étais jeune, puis j'ai redécouvert il y a quelques années que c'était In the Hunt, qui est un shmup. Par les gens qui ont ensuite fait Metal Slug. Tu sens le look Metal Slug-ish là-dedans. Puis j'en ai parlé dans un de mes épisodes précédents. J'ai acquis ça au Sega Saturn. Je l'avais déjà au PS1, mais je veux comme plutôt booster mon Sega Saturn. Fait que j'ai revendu ma copie PS1. Bref, ça. Et puis quand le Club Vidéo Dawson est arrivé, là, il y a eu Final Fight. Vraiment Final Fight, là, ça, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué à Saint-Joseph-de-Beauce, puis je trippais bien raide, là, tu sais. Ensuite, il y a eu NARC, Snow Brothers, que je me souviens. J'ai aimé ces deux jeux-là aussi beaucoup, vraiment. Snow Brothers à l'arcade, là, très underrated, c'est vraiment bon. Puis sinon, quand j'allais en vacances aux États-Unis, je regardais les autres jouer à Street Fighter, puis Mortal Kombat 2, puis même pas, là, 1. Puis j'étais très ébloui de ça, donc ça ressemble pas mal à ça. Oups, excusez. Mon Dieu, il y a des drôles de questions ici, là, là. Simon Charret, Clash at Demon Head. Personne ne parle de Clash at Demon Head. Il faut parler de Clash at Demon Head parce que c'est bon, Clash at Demon Head. C'est même sous-évalué, Clash at Demon Head. Hashtag Clash at Demon Head. Il a raison, ça aurait dû faire partie de la liste des jeux auxquels j'ai pas beaucoup joué, en fait, mais qui mérite qu'on s'y attarde, parce que c'est un bon jeu. Puis, c'est drôle, il y en a qui ont peut-être vu le film Scott Pilgrim vs. The World, où est-ce que son band s'appelle Clash at Demon Head. C'est une référence directe à ça. Et puis, c'est très japonais dans le look, Clash at Demon Head, et puis plateforme un peu... c'est un peu weird. C'est Vic Tokai. Puis tout ce qui est de Vic Tokai, c'est hit or miss, t'sais. Puis, mais non, pas tout à fait. Des fois, c'est comme, c'est pas pire. T'sais, je clash à Demon Head, il est comme, mais il balance plus vers le bon que le ouin, finalement, non. Donc, effectivement, je me dois de jouer à Clash at Demon Head et puis d'y donner une chance et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce jeu-là. C'est une assez longue aventure où est-ce que tu choisis ta route aussi pour aller jusqu'en haut. Bref, ça me semble un peu compliqué, mais je pense que ça ne l'est pas. J'ai un ami qui l'a fait et puis ça se fait très bien. Donc, ouais, Clash at Demon Head, jouer à ça, c'est pas si cher que ça. 20-25, je pense, présentement. Je vais finir avec les questions de Bruno Georget, chroniqueur. Trois questions. Numéro 1, ta business de rêve, c'est quoi? C'était l'arcade, c'est fait. Mais là, ma business de rêve, si une telle chose existe, mais je pense pas que ça serait une bonne idée, ça serait de mixer l'arcade avec le magasin et la bière de micro et la pizza. Tu sais, comme tout ça ensemble. Moi, je veux tout ça. Je veux que ça soit... Ça serait comme chez Papa Cassette, l'immeuble, où est-ce qu'on ferait la bière, on ferait notre bière là-dedans, on la vendrait sur place, puis si on peut la distribuer, tant mieux. On a des arcades, on a des jeux vidéo, on a de la bonne bouffe, ben de la bouffe un peu junk, mais de qualité. Et puis, gros party sale là-dedans tout le temps. Fait que moi, ça serait ça, là. Ça serait vraiment un mélange de tout ce que... Je sais pas si on peut tout avoir sous le même toit. C'est peut-être pas une bonne idée. Mais ça serait ça, pour vrai. Une section aussi pour podcaster, je sais pas quoi, pour recevoir. Bref, gros party sale. Quelle est la pire demande off qu'on t'a faite par rapport au jeu? Ça, c'est une drôle de question. Ah, je reçois des demandes de toutes sortes, là, sur la page de l'arcade ou même sur Retro Montréal. Mais Retro Montréal, c'est tout le temps comme combien mon jeu vaut, puis tu fais ainsi, mais l'arcade, c'est comme. Il y a plein de monde qui pose des weird questions, tu sais, ou qui veulent comme. Hey, je peux-tu faire ça? On peut-tu faire ça? Tu sais, c'est. Je passe beaucoup de temps à répondre à ce genre d'affaires-là, puis c'est très. Ouais, non, c'est très prenant. quoi, quelle autre question, donc, ici, là? Olivier, une dernière, peut-être, là. Olivier Hugo qui demande une suite qui devrait t'exciter. Ben là, j'ai pas de suite en tête, mais cependant, il y a deux choses, mettons, qui me viennent à l'esprit tout de suite. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va advenir de Bloodstained. Parce que le jeu a eu un succès, hein, on va se le dire, c'est pas un flop. Donc, ils ont eu certainement assez d'argent pour penser à développer la suite. Et puis, Curse of the Moon, là je parle de Ritual of the Night, mais Curse of the Moon aussi a eu un très beau succès, vraiment. Donc, je pense que les gens là-bas, puis Igarashi, ont eu assez d'argent pour se payer, prendre un break, et puis penser à l'avenir. Puis je pense que Bloodstained va continuer. Il va peut-être avoir Bloodstained 2, je sais pas quoi, mais j'aimerais vraiment ça parce que les personnages sont là, tu sais, la base est solide, c'est intéressant. Zangatsu est un personnage aussi intéressant que Myriam, tant qu'à moi, sinon plus. Bref, tu sais, il y a de la viande là, pour bâtir, je crois, autour de cette nouvelle franchise-là, si on peut ainsi dire. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Et puis, s'il va se passer de quoi avec ça, je le souhaite vraiment. Et puis, j'ai hâte de voir... Oh, je m'étire, ça fait du bien. Oh, excusez. Ce que nos amis de Sabotage Studio à Québec vont faire comme prochain jeu. Parce que là, c'est Messenger à côté dans le tapis pour eux autres depuis très longtemps. T'sais, ils développent ça depuis un bout, puis là, le jeu a pogné, puis ils vont dans les conventions, puis là, ils ont fait un DLC, puis ils sont tellement là-dedans, ils doivent être tannés, je les comprends. Puis j'ai vraiment hâte de voir de quoi aura de l'air leur prochain jeu. Ça va-tu être encore un look 8-16 bits à l'allure rétro? T'sais, ça va-tu être... ils peuvent pas faire la même affaire encore, là, t'sais. Est-ce qu'ils vont aller complètement ailleurs? Je sais pas. Martin, président, qui est président là-bas, était ici il y a une couple de semaines, et puis j'ai posé la question, mais il pouvait pas vraiment m'en parler, donc je le comprends. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont annoncer par rapport à ça, donc c'est vraiment une chose qui me vient en tête avec cette question-là. Donc, voilà, ça va faire pas mal le tour aujourd'hui parce que là, petit Joe vient d'arriver. Salut! Hey, hey. Et puis, il est 10h-20, puis il faut travailler, il faut faire le shipping, il y a des affaires à faire aujourd'hui. Donc, voilà. Merci à tous pour vos questions. C'est très apprécié. Tu vois, ça fait comme 50 minutes que je parle et puis il y a plein d'affaires auxquelles j'ai pas répondu. Ça finit plus. Et puis, c'est merveilleux. Donc, vous êtes bien gentils de répondre à mon appel et c'est très apprécié. Puis, j'aime vos questions. Donc, merci beaucoup. Et puis, encore une fois, suivez la page Facebook, le groupe et le site web de RDS Jeux Vidéo. Écoutez Rétro Nouveau. Allez vous saouler la gueule à l'arcade et puis venez acheter des cassettes chez Retro MTL. Merci à tous d'avoir été là et on se voit au prochain épisode. Ciao!